Est-ce qu'il y a ce désir? Avec quel cœur, quel genre de cœur avons-nous abordé cette période de jeûne, cette sainte convocation du Seigneur? Pensons si sérieusement. Un cœur honnête et bon pour pouvoir produire beaucoup de fruits. Avec l'attitude de celui qui veut obéir de cœur au Seigneur. Avec celui qui ne veut plus céder à la domination de la chair et qui ne veut plus obéir à ses convoitises. Prenons dans notre roman chapitre 12, verset 1 à 2. Oui, William, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Romains chapitre 12, verset 1. 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà l'exhortation que le Seigneur adresse à son Église par la voix de son serviteur. Le Seigneur nous invite à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Frère, je m'arrête souvent devant un tel passage, je tremble. Sérieusement, que Dieu lui-même nous donne comme exhortation d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi est-ce que je tremble? Imaginons toutes nos fréquentations, tout ce que nous pouvons faire avec notre corps. Je dis bien tout ce que nous pouvons faire avec notre corps. Imaginons pendant que nous sommes assis là. Souvenons-nous dans l'Épître aux Philippiens. La parole nous dit, je ne me lasse point de vous dire les mêmes choses. On ne va pas écrire une nouvelle Bible là maintenant. Ce sont les mêmes passages. Parce que en redisant les mêmes choses, ça permet d'asseoir la pensée de Dieu dans notre cœur pour nous transformer. Amen. J'étais donc en train de dire, imaginons tout ce que nous pouvons faire avec notre corps. Et mettons à la suite de la conclusion selon laquelle ces choses-là doivent être un sacrifice vivant que nous offrons à Dieu. La main fait partie de notre corps, non? La bouche, les yeux, les oreilles, les pieds, ainsi de suite. Imaginez un instant que Dieu, aujourd'hui, prenne un écran qu'il dépose devant nous, montrant les clichés, les choses secrètes que nous avons faites durant la semaine, prenons seulement l'intervalle de la semaine, de dimanche dernier jusqu'à ce samedi-ci. Ils prennent les choses secrètes que nous avons faites avec notre corps. Puisque la parole nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Où plusieurs sont allés au boulot. Avant d'arriver au boulot, il a fallu sortir de la maison. Avant de sortir de la maison, il a fallu se préparer. Puis de sortir, être en route, aller au travail, rencontrer les collègues, parler avec certains. Faire tel type de déplacement pour celui qui est plutôt élève ou étudiant, a fait les mêmes trajets, même pour l'aménager qui est resté à la maison et qui a dû faire certaines courses. Dieu vient, il pique chaque élément. Les endroits, le monde s'est arrêté. Les paroles prononcées par nos bouches. Les actes posés par nos mains. Les choses que nous avons regardées en prenant plaisir. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. À Dieu, agréable non pas à nous, mais à Dieu. Alors, quelles sont nos actions? Si nous prenons l'intervalle de temps de la semaine, comme je disais tout à l'heure, comme ce que je prenais comme référence, chacun lui-même se regarde. Toutes nos actions peuvent-elles être considérées de la semaine, peuvent-elles être considérées comme offrant notre corps en sacrifice vivant à Dieu, sacrifice vivant sain et agréable. Agréable à Dieu. Offrir notre corps. Pour la bonne compréhension, allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va aller, le frère va aller pour nous du verset 12 au verset 20. Ce sont les versets 15, 19 et 20 qui nous intéressent. Corinthiens chapitre 6. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez les publicités. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Ne savez-vous pas au verset 19 que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et voici la partie qui m'intéresse beaucoup plus, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dieu déclare ouvertement, au cas où quelqu'un l'ignorait encore, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Amen. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. En d'autres termes, nous appartenons à Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui décide de tout à notre sujet. Et tout ce que nous devons faire, nous devons nous rassurer que ce corps qu'il nous a prêté pour un temps, que ce corps dans toutes ses actions doit offrir un culte, un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Notre corps ne nous appartient pas. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. On voit l'évolution. Un sacrifice qui est non seulement vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable, de tout selon le standard de Dieu. Alors pendant cette période de jeûne, attelons-nous sérieusement. Pendant que l'instruction qui a été donnée nous invite à prier que le Seigneur nous revête tout ce qui en nous fait problème. Que nous puissions de façon pointilleuse observer nos propres actions et nous poser la question de savoir quel type de culte, quand je m'assois avec un frère, quand je m'assois avec un frère dans le Seigneur, ou avec un frère dans la chair, ou avec un collègue, avec une connaissance, quand j'ouvre ma bouche pour parler, Dieu peut-il du ciel rendre témoignage selon lequel, par tes déclarations, tu es en train de lui rendre un culte qui est non seulement vivant, saint, mais en plus agréable à lui. Sachant que le dénominateur commun a été posé, nous ne nous appartenons pas du tout. Traiter avec la chair, notre chair, cette chair rebelle, cette chair qui nous tire vers le bas, cette chair qui fait tout, nous amener à poser des actions désagréables à Dieu. Qui veut offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ici? Baissons les mains. Est-ce que vous savez que c'est un combat? Est-ce qu'on a pris conscience que c'est un vrai combat? Regardons seulement le récit qui nous est donné dans cette épître aux Romains, chapitre 7, verset 14, jusqu'au verset 22-23. Le bien que je veux faire, je n'y parviens pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je me retrouve en train de faire. J'ai parlé tout à l'heure d'un cœur honnête et bon. De Luc 8, verset 15. La suite de cette parole nous montre clairement que celui qui parlait en ce moment-là avait un cœur honnête et bon. Il dit bien, le mal que je ne veux pas faire. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas du tout faire le mal. Mais Posons-nous la question de l'autre côté. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous le déclarons notre propre bouche, que parce que telle personne a posé tel acte, je vais en découdre avec lui. En le faisant, est-ce que c'est un temps honnête et bon? La Bible dit que tu es honnête et bon. Et dit le mal que je ne veux pas faire. Donc il ne veut pas faire le mal. Il ne veut pas du tout faire le mal. Que la chair lui suggère de faire. Pour vraiment voir que ton cœur était honnête et bon, il dit misérable que je suis. Qui me délivra du corps de cette mort. Avez-vous réalisé votre misère, bien-aimé, dans ce combat? Avons-nous suffisamment réalisé notre niveau de misère, de vulnérabilité à l'égard du péché? Pourtant, Dieu nous convoque là. Il nous met à l'école actuellement pour nous exercer avec son appui au combat contre la chair, pour la victoire. Dieu veut nous exercer à ce combat, le combat contre les actions du corps. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, voilà le remède maintenant qui est donné pour accomplir ce qui est dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, comme c'est écrit dans Romains 8, verset 13. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Comment donc faire pour venir à bout de la chair? La solution est donnée. Mais on n'escalade pas. Il va falloir intégrer à soi définitivement dans notre cœur que Dieu nous instruit, Dieu nous commande. Parce que dans toutes les actions que nous posons, tout ce qui relève de notre corps, qu'on puisse se rassurer, qu'on intègre dans notre cœur ce commandement-là, qui veut que chaque chose qui émane de notre corps puisse lui offrir un sacrifice vivant, sain et agréable. Ces trois éléments-là. En regardant au niveau des gens du Seigneur, ça devrait en quelque sorte mettre un gros frein en nous. Un véritable frein. De sorte qu'on puisse s'exercer là à pouvoir mettre un stop dans tout ce qui concerne notre projet. De sorte que pendant cette période, celui qui a la possibilité de prendre un temps de retraite et de ressasser toutes les actions, ou bien en quelque sorte, à faire une rétrospective des actions qu'il pose avec son corps, même les plus banales, pour mettre un stop. Et à prier au Seigneur Jésus-Christ qu'il établisse dans le cœur ce réflexe-là qui pousse à examiner toutes choses qui nous concernent. Quelles sont les actions que je pose avec mon corps? Je prends plaisir à quoi? Quand je me lève pour aller quelque part, je vais pour quel but? Ce but-là peut-il offrir à Dieu un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu? Ce n'est pas le cas. C'est un stop. Les paroles que je vais prononcer avec ma bouche, quand il dit courage, je s'en détaille, cousin. Courage. Les actions du corps. Offrir à Dieu un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a eu le terme sacrifice dans ce passage, c'est savoir que c'est une balade de santé. Est-ce qu'on a bien remarqué de quoi il s'agit? Si le Seigneur nous dit qu'on offre notre corps comme un sacrifice divin, le Seigneur sait que c'est même, ça, à des moments, ça va être douloureux. Bien douloureux. Mais puisque le Seigneur a dit de lui offrir un sacrifice, il vaut mieux l'accepter et prier qu'il donne la force de supporter. Vous imaginez si on reste dans ce... Puisque quand je médite ce passage, l'introduction est donnée comme ça, les versets qui suivent là, ça constitue les développements. Si on va par exemple à partir du verset 9 jusqu'au verset 21, quand une âme prie pour nous, je vais prendre un échantillon. Non, Romains chapitre 12, 9 à 21. Je vais prendre un échantillon pour montrer pourquoi c'est un sacrifice. Verset 9 à 21, c'est ça. Oui. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humilié. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Seigneur nous prescrit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui lui est agréable. Si on dit maintenant, on prend le verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. La chair nous pousse à faire quoi le bien? Prenons pour chaque verset. Et voyons, comprenons pourquoi le Seigneur parlait d'un sacrifice. Si je prends maintenant la fin du verset pour, avant de laisser la place à notre frère Junior, je prends les versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors je pose la question. Quand quelqu'un nous fait du mal, qu'est-ce que la chair nous suggère? On se venge avec quoi si pour par exemple donner un coup de poing? on se penche avec quoi? En tout cas, on peut donner un coup de poing. Ah, quand la main donne un coup de poing, là, c'est avec quoi? C'est un peu une partie du corps. Mm-hmm. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Le Seigneur lui dit, là, si ton ennemi a faim, qu'on lui donne quoi? On lui donne des coups de poing. Avec notre corps, avec notre main, on lui donne quoi? Avec notre main, on lui donne quoi? En ce temps, la chair vraiment sent un bon plaisir. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable au Seigneur. Est-ce qu'on comprend la convocation du Seigneur? Pendant qu'il nous invite à traiter avec notre chair, à nous, à être dépouillés des actions de la chair, à lui offrir un sacrifice. Voilà un échantillon qui devrait nous faire méditer. Le Seigneur nous dit, ayez, c'est quoi? Par amour, fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Imagine, tu as quelqu'un qui a un caractère, qui est d'un caractère difficile. Écoutons le commandement du Seigneur pour offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Quand on lit ce genre de verset, on doit penser directement à quelqu'un qui est d'un caractère difficile ou bien qui nous nuit. Qu'on comprenne ce que la Bible est en train de dire. Par amour fraternel. Il dit par amour, pas par notre intérêt, pas dans le but de nous faire plaisir. Il dit par amour fraternel, dont l'amour fraternel fait. Ça impose un sacrifice. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Ça veut dire le cas, en face du caractère difficile qui nous est opposé, la Bible commande, prescrit, instruit. Être plein d'affection, plein. Est-ce qu'on a un peu compris les exercices que le Seigneur nous donne? On comprend le prix qu'il y a à payer. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. On pousse loin en disant qu'il faut offrir notre corps comme un sacrifice vivant sans savoir ce qui se trouve derrière. Tu as quelqu'un d'un caractère détestable, tu as un patron qui te rend la vie difficile. Tu as un frère dans la chair qui nuit, un frère en Christ qui nuit, ou bien une connaissance comme ça, là, qui te met le sable dans le capital, comme on dit. Par amour fraternel, à chaque fois que ta chair va réagir, voici ce qu'il devrait répondre. Par amour fraternel, sois plein d'affection. Bien-aimé, c'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on offre notre corps comme un sacrifice. Parce que si on ne sauve pas en sacrifice, on n'aura pas de force pour opposer à ce mal-là le bien que le Seigneur peut nous prescrire ici. Et souvenons-nous, c'est un commandement du Seigneur. Offrir notre corps comme un sacrifice. Quand la chair réclame la vengeance, l'esprit qui doit tuer les actions du corps en nous est en train de dire par amour fraternel. Manifeste l'affection. Par amour fraternel. Ce n'est pas sa réaction qui doit commander, ce n'est pas la réaction qu'on a en face de nous qui doit commander notre attitude. Comprends pas, c'est même pas d'offrir notre corps comme un sacrifice. Un sacrifice. C'est douloureux, bien aimé. Ça fait mal dans la chair. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment exercé. Disons pour cela, parlant des relations entre employés et employeurs, 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 2. Pour voir encore une autre manifestation du sacrifice, ce à quoi le Seigneur nous invite. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 2. Tu peux lire pour nous. À haute voix, s'il te plaît. 1 Timothée chapitre 6. Verset 1 à 2. « que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont les fidèles, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne leur méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ceux que ce sont des frères. Que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseignez ces choses et recommandez-les. Je reprends le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Est-ce qu'on comprend la symbolique du joug qu'on utilisait pour attacher, lier les esclaves et les amener contre leur gré, là ils doivent travailler? Dieu nous dit, tu es un patron qui se comporte comme une reconnaissance, n'ayant que des droits, et toi n'ayant que des devoirs, et toi tu n'es qu'un sujet. Il dit que tu as ce genre de patron, il dit que regarde-le en l'appelant honorable. Quand il te commande de faire quelque chose, tu fais avec joie. Même quand il est là en train de mépriser tes droits les plus élémentaires. Un patron qui vient violer ta pause. Et à l'heure de la pause qui te dit, fais ceci et donc ramène le résultat dans 5 minutes. Que ceux qui passent le joug de la servitude. La servitude, c'est l'esclavage, bien aimé. La Bible nous dit qu'il faut qu'on regarde celui qui nous soumet à la servitude comme étant digne de tout honneur. Donc il nous fait souffrir injustement, mais on l'honore. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, il y a un prix à payer. J'aimerais qu'on comprenne bien là où c'est l'école à laquelle le Seigneur nous inscrit pour traiter notre chair. Un sacrifice vivant. La Bible nous montre que c'est douloureux dans la chair. Un sacrifice vivant, sain et agréable. Regardez un maître comme étant digne de tout honneur. Il est digne, pourtant il n'est même pas digne, comme étant digne. C'est, en réalité, il n'est pas digne de recevoir quelque honneur que ce soit. Mais on a dit qu'à cause, pour que l'évangile ne soit pas blasphémé, quand on dit ça, même vous les chrétiens, vous agissez aussi de là, vous boudez, vous êtes rebelles, ou bien vous révoltez, ou bien vous engagez les grèves. Le Seigneur dit, pour qu'on ne dise pas ça et que l'évangile soit calomnié, alors souffrez les injustices de la part de votre patron. C'est compliqué, n'est-ce pas? D'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Pourtant, Dieu nous instruit. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. D'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Pour que l'évangile ne soit pas calomnié, ou pour que le nom de Dieu ne soit pas l'objet de blasphème, Dieu nous dit, même si notre patron commet un certain nombre d'égards, il faut qu'on le regarde comme étant digne de Dieu. On continue à dire patron, avec toutes les honneurs possibles. Vous croyez que c'est l'hypocrisie? C'est un commandement du Seigneur. Il dit qu'on regarde comme. Tu vas beau crier que injustice, tu ne seras pas en train d'accomplir le commandement du Seigneur. Puisque lui, son commandement, c'est qu'on le regarde comme étant digne de tout honneur. En ne le faisant pas, tu es un rebelle aux yeux de Dieu. Et tu ne seras pas en train d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Tu seras un rebelle et tu auras beau prier, te mettre à genoux, lire la Bible, ce sera zéro macabre devant lui. Est-ce qu'on saisit bien? Amen. Sommes-nous toujours prêts à offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu? Est-ce qu'on mesure le prix? Le prix est fixé, coûteux, bien aimé. C'est bien coûteux. La finale, ce que j'appelle la finale, c'est dans Hébreux chapitre 12. et verset 4 suivant. Chacun, que chacun aille méditer à la maison de quoi il s'agit. Quand il dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en résistant contre le péché, ça c'est toute la suite logique d'offrir notre corps comme un sacrifice divin. Si seulement maintenant on peut dire une parole blessante dans notre cœur et que ça nous met dans tous nos états, posons-nous la question de savoir si on est en train d'offrir notre corps comme un sacrifice. Si juste une parole de quelqu'un peut venir modifier notre sentiment à l'heure actuelle, si ça peut nous ébranler au point où on a notre emprunt, notre tension et la montée subitement, on devrait se poser la question si on est vraiment en train de comprendre de quoi il s'agit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Si parce qu'on ne nous a pas fait telle chose, directement on est ébranlé dans notre équilibre émotionnel, on devrait se poser la question de savoir si c'est une manière d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Quand on se pose la question, dans le jeûne auquel le Seigneur nous convie en ces jours-ci, c'est une véritable déclaration de guerre contre la chair. Pour ma part, je souhaite que chacun puisse prendre vraiment ça au sérieux, sans survoler, ou bien sans prendre ça à légère, ou bien sans faire œuvre d'inconscience, que chacun s'assure véritablement. Même en marchant, qu'on s'exerce à pouvoir nous poser vraiment la question de façon régulière. Si les actions qu'on veut poser, si notre corps, ce qu'on veut faire avec notre corps, est une manière d'offrir à Dieu un sacrifice vivant. On aime à lire diverses fleurs balades dans 1 Corinthiens chapitre 2. On aime souvent lire et se prévaloir comme si c'était notre cas. Pourtant, ça relève de la pure prétention. Et pourtant, en même temps, Dieu nous convie. Si le Seigneur nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, c'est ce qu'il veut voir cette chose accomplie, ce qu'il veut lire dans notre vie. C'est 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire du verset 9 jusqu'à la fin, avant que je me prononce. Quand il veut se faire, tu peux lire pour nous. Verset 9 à 16 du verset de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Amen. Dieu veut donner, Dieu veut façonner comme ça ce qui est écrit. Juste les deux premiers mots du verset 15 de 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Dieu parle ici en exergue au verset 15 de l'homme spirituel. Qui juge de tout, l'homme spirituel qui ne cède pas à la pression de la chair. Dieu veut des hommes spirituels, des hommes qui ont fini avec la chair. Pour finir avec la chair, il faut déjà faire mourir, il faut s'offrir comme un sacrifice. Voilà le passage obligé. Et c'est le même thème qui revient dans 1 Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 24 à 26, le Seigneur dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, qui ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut déjà au préalable mourir. Mourir aux actions de la chair, mourir étant physiquement vivant. Mourir des actions du corps. Mourir de la pression et de la dictature de la chair. S'offrir comme un sacrifice vivant. Laisse la place à notre frère Junior pour continuer. Au service de ta vie.